Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 572. Nous sommes le 20 septembre 2023. C'est toujours la 40e saison et ça, ce sera jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Et c'est un 100% live. Non, vous ne rêvez pas, les Beatles, enfin, John, Paul, Ringo et George, dans une autre dimension, sont à Bordeaux, au Stade Bordelais, et vont nous ravir, avec quelques copains à eux, de 2 heures de bonne musique. Sur RIG, puisque c'est RIG qui a obtenu le droit de vous concocter cette émission-là, de vous retransmettre cette émission-là jusqu'à 22h. Après, ce sera Eric, et je sais que ce sera en live aussi, donc 4 heures de live aujourd'hui, et de très, très, très, très, très bonne musique. Tant mieux. Vous voulez que je vous donne le départ? Ah bah non, c'est vrai, quand c'est un live, je vous donne rien, parce qu'on découvre. Bon, moi j'ai la playlist parce qu'ils me l'ont donnée. Mais bon, alors vous découvrirez tout à l'heure. Pour l'instant, moi je suis dans la loge VIP. Tout à l'heure, Marc a prétendu que j'étais arrivé au studio. C'est pas vrai. Je suis dans la loge VIP au Stade Bordelais. Et je suis prêt pour l'émission. Les Beatles sont presque prêts. Le stade est complet. Est complet, archi complet. On vous proposera probablement des photos puisqu'il y a des copains de la saga qui sont dans la foule. Et puis, bah, écoutez, retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four sur RIG. Et c'est seulement sur RIG 90.7 que l'on peut entendre ce genre d'émission ou c'est www.rigfm.fr. Là, je crois qu'on arrive à la fin. Ah non, il y a encore un tour. Mais je meuble, qu'est-ce que vous voulez? Habituellement, je suis pressé. Là, j'ai le temps. J'ai le temps, il n'est que 20h02. Et je dois attendre que le rideau se lève. Bon, donc, on se retrouve sur Facebook dans la saga des Fab Four. Et le show va commencer dans une seconde, ou deux, ou trois, ou quatre. Bonne soirée à l'écoute de RIG 90.7, www.rigfm.fr. Attention, place au show avec qui va chanter en premier. Ça, c'est George Harrison, What is Life? Bon début de show. Time. c'est probablement John Lennon qui va chanter. Vous êtes sur RG 90.7, c'est la saga des Fab Four. Stay late, or I was home, I had an accident. Avec le concours de Carl Perkins qui est venu rendre visite à ses copains. J'espère que tout se passe bien. Paul McCartney est en train de dire bonjour tout le monde, que content d'être à Bordeaux, avec son français toujours à peu près bon. Mais c'est lui qui parle le mieux des quatre, donc il ose s'exprimer dans le langage des pays qu'il visite. On continue le show avec un nouveau titre, et c'est encore Carl Perkins et George Harrison. Ça commence gentiment, c'est tranquille. Depuis le début de l'émission, nous avons écouté What is Life par George Harrison, puis John a chanté New York City. Enfin, George avec Carl Perkins ont chanté tous les deux Everybody's Trying to Be My Baby et Glad All Over. Avant de retrouver, je le sais, Paul McCartney, il faut que je vous parle du site qui va vous permettre de tout savoir sur les Beatles. Ce site, c'est le site Beatles Magazine, tenu par une certaine Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles. C'est la saga Big Papa. It's so cool to be back here on the last night. C'est super chouette d'être de retour ici. On est venu il y a longtemps et ça va être une super soirée. Et ce soir, ça va être une super soirée aussi. Qu'est-ce que dit Paul ? Il y a un invité, Billy Joel au piano. She is standing right in front of me, speaking. Billy Joel qui dit Sir Paul McCartney parce qu'il aime beaucoup Paul McCartney. Let It Be à l'instant, une version plutôt très très sympa en live, mais il y a quelqu'un d'autre qui est monté sur scène. Un grand copain de George Harrison qui va chanter Badge. Chanter co-écrit, je vais dire, avec George Harrison. C'est monsieur Eric Clapton sur RIG. Hamilton, invité par John, Paul, Ringo et George. Qui continue, George? Bangladesh sur RG. Told me that he wanted help for his country. Save some lives. Bangladesh, Bangladesh, where so many people are dying fast, and it sure looks like a man. Never seen such distress. Que vous soyez en France, en Angleterre, pourquoi pas, en Belgique, en Suisse, en Italie, ou n'importe où en Europe, ou même aux États-Unis, en Chine, au Japon, n'importe où dans le monde, c'est la saga des Fab Four, c'est le mercredi soir entre 20h et 22h sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 572 sur cette radio et on entame cette année la 40e saison. Les 40 ans, on les fêtera au mois d'avril. J'espère que vous serez là quelque part en avril. Je compterai sur vous pour m'envoyer par message sur Messenger, par exemple, pour m'envoyer « Bonjour, je suis David, j'écoute la saga depuis tant d'années, j'ai tel âge, je suis de tel endroit, etc. etc. » Alors répétez pas « tel âge, tel endroit », quoi. Vous avez compris. Allez, la suite du concert, c'est maintenant sur RG. C'est toujours George Harrison, Old Brown Shoe sur RG. y a du monde sur scène. Il y a Eric Clapton qui était resté sur la chanson précédente d'ailleurs et qui a chanté Wild My Guitar avec Paul McCartney. Ah, Paul McCartney qui dit, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une boîte à rythme? C'est ça, ce que vous entendez. Voilà, c'est une machine que vous mettez, vous branchez et puis ça donne un truc comme ça. Ah, c'est Paul McCartney. Et nous, c'est RIG 90.7. And at last we will be free. You remember- invité. Pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission et du concert, je vous redonne la totalité des chansons chantées jusqu'à présent. George Harrison a ouvert le bal avec What is Life, puis John Lennon avec New York City, et venu ensuite George Harrison et Carl Perkins pour Everybody's Trying to Be My Baby et Glad All Over. Ensuite, Billy Joel au piano, même si il a chanté seulement dans les chœurs, et Paul McCartney pour Let It Be, une très belle version. Eric Clapton, qui était là depuis le début, mais qui ne disait rien, nous a chanté un Badge, la chanson qui avait été co-écrite par George Harrison et Eric Clapton, tout seul, et c'était très bien. Puis il est resté pour Bangladesh, chanté par George, avec Old Brown Shoe. Et puis il y a eu Eric Clapton de retour pour While My Guitar Gently Weeps, avec Paul McCartney en deuxième voix. Paul McCartney qui ferait bien s'il écoute la saga des Fab Four, et j'en doute fort peu. Je pense qu'il écoute la saga des Fab Four, mais il ne veut pas que j'ai raison. Il pourrait reprendre cette chanson, While My Guitar Gently Weeps, ou alors Isn't It a Pity, ou alors All Things Must Pass, s'il veut, au lieu de reprendre toujours Something quand il est en concert. Mais bon, il estime que c'est ce que les auditeurs, les spectateurs ont envie d'entendre. Il y a eu ensuite Bluebird, et puis à l'instant, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, le medley. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est la saga des Fab Four numéro 572, et c'est un live, un spécial live dans cette dimension étrange dans laquelle John, Paul, George et Ringo sont tous vivants, tous en pleine forme, des octogénaires qui arrivent à nous sortir une superbe musique. Et voici la suite de la saga des Fab Four avec My Brave Face, Paul McCartney sur RIG. answer if the answer's no. Solo de la carrière de Paul McCartney, My Brave Face, il y a quelques instants, et puis maintenant Off the Ground. Vous êtes sur RIG, on retransmet le concert de John, Paul, Ringo et George à Bordeaux, dans une dimension parallèle évidemment, malheureusement. Oh, coming up sur RIG, on monte le son. RIG, c'est la radio des Beatles.

nice indeed, thank you. Petite anecdote que je vous livre. Ouais, peut-être que petite anecdote que je vous livre au passage pour cette chanson-là. Ringo Starr dit en principe en concert qu'il connaît 3-4 notes au piano, mais c'est pas son truc préféré, et que depuis 1963, il cherchait à donner aux Beatles une chanson qu'il avait plus ou moins commencé à composer, qui s'appelait Don't Pass Me By. Il leur a attendu 5 ans et l'album blanc pour arriver à la placer. Et comme quoi, quand on veut vraiment, il n'en a pas sorti beaucoup, mais il s'est rattrapé après. Plus parolier que musicien, même si parolier parle souvent du passé et tout ça, mais c'est pas grave, c'est un bon musicien, c'est un chanteur très correct, et on l'adore surtout Ringo Starr, c'est un mec gentil, et doué, et ça aussi c'est doué, c'est Magneto and Titanium Man, c'est Paul McCartney, sur RIG, la radio des Beatles. Bring it the gold. Let that blue, let that blue, let that blue. quelle énergie fantastique. Je vous propose de juste vous donner un petit décompte de ce qui est passé jusqu'à présent. On s'était arrêté, je crois, à My Brave Face. Il y a eu Off the Ground par Paul McCartney, Coming Up ensuite. Puis Ringo Starr a chanté It Don't Come Easy et Don't Pass Me By. Et à l'instant, Paul McCartney est revenu pour nous chanter deux chansons suralimentées, Magneto and Titanium Man et Beware My Love. This next song was... C'est Nono Song sur RSG. Hard to find the door. Well, I said, no, no, no, no, I can't take it. be your man. Trois, 35 minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Et je sais qu'il vous fera un live, enfin, le fameux live du début de mois. Mais il arrive en troisième semaine. Ben, c'est pas grave, il vaut mieux arriver que ne jamais arriver. Donc, Eric, à tout à l'heure pour ta superbe émission Johnny de A à Z. La suite de la saga des Fab Four numéro 572. C'est toujours le 100% live. Nous sommes dans une dimension parallèle dans laquelle John, Paul, Ringo et George sont tous octogénaires. Parce que j'allais dire, ont tous 80 balais. Non, ils ont plus de 80 balais, sauf Georges, qui en a juste 80 depuis le début, depuis fin février. Eh bien, ils vont très bien et ils sont à Bordeaux et ils nous font un concert vraiment extraordinaire. Ah bah c'est toujours Ringo et c'est Boys sur RIG. Bye. Ringo le rocker sera érigé dans la saga des Fab Four qui retransmet le live virtuel de John, Paul, Ringo et George à Bordeaux, ici ce soir, le 20 septembre 2023, pour cette saga des Fab Four numéro 572. Donc il a chanté No No Song, puis I Wanna Be Your Man et Boys, et à l'instant Act Naturally. Comme quoi, Ringo peut mener la barque tout seul et ça marche très très bien. Voici George qui se met sur le devant, les projecteurs braqués sur lui. Que va-t-il nous chanter? Ça c'est A Waiting On Your All, et c'est sur RG. You don't need love. Open up your heart. No passport, and you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. You open up your heart. If you open up your heart. Une choriste des Pink Floyd, mais qui a aussi œuvré avec George Harrison. Elle est très jolie. Elle est revenue exprès pour chanter une chanson de George. C'est Horse to the Water et c'est Sam Brown sur RG. Can make him dream. Quelle belle voix, quel coffre. Completely and heartbreaking. Cette musique, pense-y Paul, All Things Must Pass, c'est une chanson qu'on peut chanter en concert sans aucun problème, pour rendre hommage à Georges par exemple. Je dis ça comme ça. On ne s'arrête plus puisque dans un peu plus d'un quart d'heure ce sera Eric pour Johnny de A à Z, et là c'est Best Friend, Paul McCartney sur RG. On va finir en fanfare, vous allez voir.

que vous êtes prêts pour le grand final. Le grand final de l'émission. Billy Preston. Oui, Billy Preston, c'est vrai. C'est maintenant sur RG. Tous ensemble, on monte le son au maximum. C'est waouh, waouh. Eric Clapton, John, Paul, Ringo, George, tout le monde sur scène, tous ensemble, à fond. tout le monde. C'était juste, on est un petit peu en retard. Pardon Eric, ça ne se reproduira. Ça se reproduira. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette 572e édition de la saga des Femmes Fortes. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission. Et pour l'instant, je vous laisse dans les bras de celui qu'on surnomme Eric Springsteen, alias The Boss, dans la radio. À très bientôt. Salut.